Chapitre 27 Marie-Antoinette, reine de France. Pourquoi ne le dirions-nous pas? Nous avons hésité un instant avant de placer le portrait de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, dans cette galerie de reines galantes. Le scrupule nous venait d'abord de la fin tragique de cette princesse et du grand rôle qu'elle a joué dans les luttes de l'Ancien Régime contre la Révolution. En montant sur l'échafaud, n'avait-elle pas acquis le droit de ne plus être justiciable que de la politique? La fête donnée par les gardes du corps du roi aux officiers du régiment de Flandre, où Marie-Antoinette parut tenant le petit dauphin dans ses bras pour réchauffer l'enthousiasme des défenseurs de la monarchie, les journées des 5 et 6 octobre 1789 où elle faillit perdre la vie, la déclaration publiée à son instigation le 18 mai 1791 par son frère Léopold II, empereur d'Autriche, contre la Révolution française, la fuite de Varennes, la journée du 10 août 1792, le temple, la conciergerie, le tribunal révolutionnaire et la place de la Révolution, n'avaient-ils pas effacé complètement les intrigues de Versailles et du petit Trianon, les galanteries, les inconséquences et les légèretés de la fille de Marie-Thérèse? Puis, Marie-Antoinette avait-elle été une reine galante dans l'acception que l'on donne ordinairement à l'accouplement de ces deux mots? En y réfléchissant, cependant, nous nous sommes dit qu'une fin également tragique n'avait pas épargné à Marie Stuart de figurer dans la même galerie, et que si Marie-Antoinette n'était pas une reine galante à la manière de Christine de Suède ou de Caroline de Brunswick, elle s'était exclue elle-même du rang des reines sages, comme Marie Leczinska, par la légèreté de son caractère, ses imprudences, son mépris pour les lois de l'étiquette, et pour tout ce qu'à la cour de France on appelait les convenances. L'histoire du collier suffirait seule à la faire descendre du piédestal où voudrait la placer une admiration trop respectueuse. Une dernière remarque, que d'autres ont déjà pu faire, mais qu'il importe de rappeler ici. Les écrits du temps qui signalent les galanteries et les légèretés de cette reine infortunée n'ont rien de commun avec les accusations politiques dont elle fut l'objet dans cette seconde période de son existence. Ces écrits, ces pamphlets, si l'on veut, étaient inspirés ou dictés par les gentilshommes mêmes de la cour de Louis XVI, par des princes de la famille royale, par un des frères du roi, le comte de Provence, plus tard Louis XVIII. Ce furent de grands seigneurs, les parents et les amis du cardinal de Rohan, grand aumônier de la cour de France, qui jetèrent le plus de soupçons sur ses mœurs et portèrent les plus rudes coups à sa réputation. Louis XVI avait épousé Joseph-Jeanne-Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, lorsqu'il n'était encore que dauphin, en 1770. Cette union avait été négociée à Vienne par le duc de Choiseul. Charmé de la grâce, de la beauté de la jeune princesse autrichienne, le vieux Louis XV commanda pour sa réception les fêtes les plus splendides. Citons deux épisodes du mariage de Marie-Antoinette. Par leur physionomie et leurs conséquences, ils semblent se lier aux événements qui bouleversèrent plus tard la France. À Paris, le peuple s'était entassé sur la place Louis XV pour y voir tirer un feu d'artifice. Au milieu d'une immense affluence, le lieutenant général de police avait négligé de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre. Les abords de la place étaient encombrés de matériaux de maçonnerie, des fossés l'entouraient, ne laissant à la foule pour s'écouler que des débouchés étroits et insuffisants. Des échafaudages, qui supportent des milliers de spectateurs, s'écroulent tout à coup. Une terreur panique s'empare alors de la foule. On se presse, on se pousse, on se renverse. Des cris affreux se font entendre. Dans ce désordre inexprimable, à travers cette cohue affolée, des furieux s'élancent, l'épée à la main, frappant tout ce qu'ils rencontrent pour se frayer un passage. Le nombre des victimes de cette catastrophe fut évalué à 1200. On les inhuma dans le cimetière de la Madeleine qu'une convention nationale devait, 20 ans plus tard, assigner pour sépulture à la famille royale. À Versailles, les fêtes les plus splendides, les divertissements les plus ingénieux, furent inventés par une cour qui ne savait pas encore avec quelle sévérité les peuples finissent par demander compte des impôts gaspillés. La jeune archiduchesse fut éblouie par ce faste et dut s'estimer bien heureuse de régner sur une nation assez riche pour subvenir à de telles magnificences. Mais les dernières ressources du trésor étaient épuisées, et l'abbé Théret, alors aux finances, ne savait comment sortir d'embarras. À la fin du bal, Louis XV s'approcha de lui et, le voyant soucieux, il lui demanda s'il ne trouvait pas la fête de bon goût. « Ah, sire, s'écria-t-il, je la trouve au contraire impayable. » C'est aux mémoires de Weber, frère de lait de Marie-Antoinette, que nous empruntons cette anecdote. La chose lui paraît très spirituelle. Il n'y voit qu'un aimable jeu de mots. Nous ne savons pas si l'abbé Terray y attacha plus d'importance. Mais il est certain que ce furent ces impayables-là, 100 fois renouvelés, qui hâtèrent la chute de la monarchie des Bourbons. Ainsi, les premiers plaisirs que la grande dauphine goûta sur la terre de France avaient avancé peut-être les dernières douleurs qu'elle devait y éprouver. Marqué par une horrible catastrophe, son mariage fut comme un premier pas dans cette voie pleine de sang et d'angoisse qu'elle parcourut plus tard. 4 ans après, le 10 mars 1774, à la mort de Louis XV, le dauphin montait sur le trône, Marie-Antoinette était reine. Louis XVI, en prenant la couronne, renonça spontanément au tribut appelé le Joyeux Avènement. Un droit semblable est élevé à cette occasion sous le nom de Ceinture de la Reine. Ayant appris qu'il pesait principalement sur les classes pauvres, Marie-Antoinette en fit l'abandon. Un courtisan lui adressa le quatrain suivant. « Vous renoncez, charmante souveraine, au plus beau de vos revenus. À quoi vous servirait la ceinture de reine ? Vous avez celle de Vénus. » On était alors au bon temps des petits vers et de cette galanterie mythologique qui touchait parfois à l'impertinence. Marie-Antoinette avait 19 ans. Sa bienfaisance l'avait rendue très populaire. À la cour, elle était entourée des hommages d'une foule empressée de jeunes seigneurs. Parmi les portraits de Marie-Antoinette qui se trouvent dans les mémoires de l'époque, nous choisirons celui tracé par M. de Mélan et qui fut trouvé dans les papiers de ce gentilhomme après sa mort. Marie-Antoinette avait plus d'éclat que de beauté. Chacun de ses traits pris séparément n'avait rien de remarquable, mais leur ensemble avait le plus grand agrément. Ce mot si prodigué de charme était le mot propre pour peindre les grâces de cet ensemble. Aucune femme ne portait mieux la tête. Sa démarche noble et légère rappelait cette expression du poète « Inque su patuit dea », la déesse se révèle en marchant. Ce que l'on remarquait en elle, c'était l'union de la grâce et de la dignité la plus imposante. Son esprit n'avait rien de brillant. Elle n'annonçait à cet égard aucune prétention. Mais il y avait en elle quelque chose qui tenait de l'inspiration et qui lui faisait trouver au moment ce qui convenait le mieux aux circonstances ainsi que les expressions les plus justes. Entièrement livrée à elle-même, étrangère, belle, aimable, environnée de séductions, elle fit des imprudences, applaudie d'abord sans raison, transformée plus tard et sans justice en crimes impardonnables. Ce fut peu de temps après son mariage que la famille des Polignac lui fut présentée et qu'elle se lia avec la princesse Jules de Polignac d'une amitié dont la vivacité parut étrange au comte de Provence. Les premières atteintes qui furent portées à la réputation de Marie-Antoinette lui vinrent de ce prince. Dans le tableau de la cour de France, qu'il a tracé au commencement de son livre sur la Révolution, M. Louis Blanc explique ainsi l'origine de la haine que le comte de Provence avait vouée à la jeune reine. Louis XVI, dit-il, était né avec un vice de conformation qui semblait lui interdire l'espoir d'avoir des enfants. On ne l'ignorait pas à Versailles. Il en avait couru, Louis XVI n'étant encore que dauphin, 1000 bruits malignement exagérés. On voyait déjà le petit-fils de Louis XV se résignant au célibat, supposition que ne démentait ni sa dévotion ni ses mœurs. On parlait à voix basse d'une consultation de médecins, on nommait les docteurs Leroy et Deuzot. On disposait diversement de l'avenir. Que Louis XVI mourût sans postérité, le comte de Provence, son frère, était roi. Des ambitieux se groupèrent autour de ce prince et ils éveillèrent en lui la soif de régner. On juge d'après cela combien fut vive, dans un certain monde, la sensation produite par l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles. Les projets que son mariage menaçait de déjouer se changèrent contre elle en hostilité sourde. On avait admis et l'on comptait que Louis XVI n'aurait pas et ne pouvait pas avoir d'enfants. On décida que, s'il lui en survenait, on les tiendrait pour illégitimes. On commença l'odieuse pratique des accusations anonymes. Alors furent semées dans le palais maints libelles retraçant de monstrueuses amours, des amours dignes de l'impudique Julie et de l'amante effrénée de Silius. Des mains qui se cachaient soigneusement faisaient parvenir ces libelles à Louis XVI. De là une partie de l'indifférence que, dans les premières années de son mariage, il apporte dans ses relations avec Marie-Antoinette. Indifférence telle que, d'après Madame Campan, une des dames d'honneur, qui nous a conservé ce trait dans ses mémoires, il allait, par devoir seulement, se placer dans le lit de la reine et s'endormait souvent sans lui adresser la parole. Mais cette indifférence ou cet éloignement de Louis XVI à l'égard de Marie-Antoinette ne provenait pas seulement des causes que nous venons d'indiquer. Il faut surtout en demander l'explication au tempérament du roi et à ce vice de conformation constaté par les docteurs, le roi et Deuzeau. On sait aujourd'hui, par les lettres récemment publiées de Marie-Antoinette à sa mère Marie-Thérèse, que son mariage fut pendant de longs mois purement nominal. Elle ne donna le jour à son premier enfant que le 19 décembre 1778, c'est-à-dire après 8 années d'une union stérile. Cependant, la jeune reine, sensible, expansive, faite pour plaire, fière d'être montée sur ce beau trône de France, convoitée alors par toutes les filles de rois et d'empereurs, oubliait les frimas de son hymen au milieu d'un essaim d'adorateurs. Les plus brillants, ceux qu'elle écoutait volontiers, étaient le comte d'Artois, le duc de Lauzun, le duc de Coigny, le comte de Dillon. La malignité d'une cour oisive et corrompue les lui donnait tous pour amants. Marie-Antoinette, loin de s'en offenser, semblait braver à plaisir des bruits injurieux pour son honneur. Un jour, nous dit Madame Campan dans ses mémoires, on la vit parer sa coiffure d'une plume de héron qu'elle tenait de Lauzun et que celui-ci avait portée à son casque. Une autre fois, dans un bal au Petit Trianon, comme elle venait de valser avec le comte Arthur de Dillon, elle lui dit à demi-voix, en s'appuyant avec abandon sur son bras, « Touchez comme mon cœur bat !» Le roi, qu'elle n'avait pas vu, s'était approché doucement. « Madame, lui dit-il d'une voix dure, laissez, Monsieur Dillon vous croira bien sur parole. » Le mépris qu'elle affectait pour tout ce qui tenait à l'étiquette, son goût pour toutes les choses nouvelles de la mode et du caprice, lui firent de nombreuses ennemies parmi les douairières de la cour. Les femmes portaient alors d'immenses paniers qu'on appelait des bouffants ou des tournures. On les désignait même par un autre nom qu'il n'est pas d'habitude d'imprimer et que nous laissons à nos lectrices le soin de deviner. Trouvant ce vêtement peu commode et disgracieux, la reine voulut s'en débarrasser au moins pour ses réceptions du matin. Et se montra avec des jupons dont les contours, pour être moins amples que ceux des paniers, n'en étaient que plus charmants. Les douairières crièrent à l'indécence, et cet essai de révolution dans le costume féminin lui fit plus de tort encore que l'histoire de la plume du beau Lauzun. Puis, c'étaient des divertissements énervants, des fêtes d'une folle singularité que Marie-Antoinette imaginait malgré les répugnances du roi, qui n'aimait le plaisir sous aucune de ses formes, même les plus platoniques. Tantôt, nous dit l'histoire de la Révolution, c'était des chevaliers, émules fictifs des preux de Charlemagne, qui, dans des jardins somptueux, sous des arbres auxquels étaient suspendus des lances et des boucliers, restaient plongés dans un sommeil magique, jusqu'au moment où, paraissant tout à coup, la reine daignait rompre le charme. Marie-Antoinette, en costume de fée, les touchait de sa baguette, et ils revenaient aussitôt à la vie et à l'amour. Tantôt, à la suite d'une lecture de quelques pages du naturaliste Buffon sur les amours des cerfs et des biches, il prenait fantaisie à des gentilshommes d'avoir des vêtements de peau de cerf et de s'enfoncer dans cette métamorphose au plus épais des ombrages du parc de Versailles par une belle nuit du mois d'août. Les mémoires politiques et historiques du règne de Louis XVI nous offrent plus d'un trait de ce genre. Marie-Antoinette mit encore à la mode ce qu'on a appelé plus tard la comédie bourgeoise, et le rôle qu'elle affectionnait, celui qu'elle jouait le mieux et qui semblait avoir été fait pour elle, était celui de Rosine, du mariage du Figaro. Par les froides journées des hivers rigoureux, lorsqu'une neige durcie couvrait les boulevards, les Parisiens voyaient une longue file de traîneaux figurant des animaux fantastiques, des griffons, des chimères ou des corbeilles de fleurs, emportées par des chevaux fougueux. C'était encore Marie-Antoinette entraînant à sa suite Lauzun, Dillon, Coigny, le comte d'Artois et tous les jeunes fous qui formaient son entourage favori. Pendant que la reine prenait ainsi la clé des champs, le roi, enfermé à Versailles, dans un atelier attenant à sa chambre à coucher, se faisait donner des leçons de serrurerie par son serrurier ordinaire, F. Gamin, le même qui devait fabriquer plus tard la fameuse armoire de fer des Tuileries où fut découvert le livre rouge. Le livre rouge, ainsi nommé à cause de la couleur de sa reliure de maroquin, était un registre secret sur lequel le roi transcrivait les pensions, grâces, indemnités, gratifications accordées aux courtisans et à leurs familles. La famille Polignac, qui jouissait, comme nous l'avons dit, des faveurs de Marie-Antoinette, y était portée pour une somme annuelle de 292 000 livres. Le comte de Provence disait tout haut que la reine, sa belle-sœur, n'avait rien à refuser à la comtesse Jules de Polignac. Et le comte d'Artois lui-même, qui était pourtant un des plus ardents admirateurs de Marie-Antoinette, l'ayant surprise un jour dans les bras de la comtesse Jules, lui prodiguant les plus tendres caresses, allait, répétant partout ce propos que la médisance recueillit pour jeter un nouveau soupçon sur les mœurs de la reine, « Je ne suis qu'un étourdi, je viens de déranger deux amis ». Marie-Antoinette n'en était plus d'ailleurs à compter ce que des écrivains indulgents ont appelé des imprudences. On la reconnut un jour, courant à travers les rues de Paris dans un cabriolet de louage. Elle se risqua une nuit, en plein bal masqué de l'opéra, s'exposant ainsi aux galanteries peu délicates qui se pratiquent dans ces cohues. Une de ses amies, la princesse de Lamballe, ayant été s'asseoir autour du baquet magnétique que le célèbre charlatan allemand Mesmer avait mis à la mode, Marie-Antoinette voulut connaître à son tour les émotions que procurait aux femmes nerveuses le fluide mystérieux. Sous un déguisement, elle vint compromettre la dignité royale dans le salon de la place Vendôme, où Mesmer se livrait à ses expériences surnaturelles. L'affaire du collier porta le dernier coup à sa réputation. Cette affaire fut le grand scandale du XVIIIe siècle. Marie-Antoinette pardonnait volontiers les injures. Son caractère facile et généreux s'accommodait difficilement des rancunes et des haines. Mais aussi les antipathies qu'elle ne parvenait pas à maîtriser avaient chez elle d'autant plus de force et de ténacité qu'elle sortait davantage de ses habitudes. Parmi ceux que sa disgrâce avait atteints se trouvait le cardinal-prince de Rohan, grand aumônier de la cour de France et évêque de Strasbourg, connu par ses galanteries et ses dilapidations. Dans des notes confidentielles écrites plusieurs années auparavant par le cardinal de Rohan au duc d'Aiguillon, il lui avait envoyé quelques renseignements diplomatiques sur la cour d'Autriche auprès de laquelle il était en mission. « J'ai vu pleurer effectivement Marie-Thérèse sur les malheurs de la Pologne », lui avait-il mandé. « Mais cette princesse, exercée dans l'art de la dissimulation, me paraît avoir des larmes de commandement. D'une main, elle a le mouchoir pour essuyer ses pleurs, et de l'autre, elle saisit le glaive de la négociation pour être la troisième puissance copartageante. » Cette lettre était tombée entre les mains de la Du Barry. La maîtresse de Louis XV y avait vu une bonne occasion pour se venger du mépris que Marie-Antoinette, alors grande dauphine, affectait pour elle. La missive fut placée adroitement sous ses yeux. La princesse, qui avait pour sa mère une profonde vénération, fut indignée à la lecture de ces notes offensantes et voua au cardinal de Rohan une haine implacable. Le 15 août 1785, le grand aumônier de France est tout à coup arrêté à Versailles sur un ordre du roi. Au moment où il allait officier, on le conduisit à la Bastille. Le bruit se répand alors qu'une intrigue scandaleuse qu'il aurait nouée avec la reine est la cause de son arrestation. On parle aussi d'un collier de diamants dont il aurait fait cadeau à la reine. On arrête en même temps une aventurière, la comtesse de la Motte, qui prétendait être de souche royale, descendante du roi Henri II par les comtes de Saint-Rémy. Voici le nœud de l'affaire qui eut un immense retentissement et qui occupa pendant plusieurs mois toute l'Europe. Madame de la Motte, reçue à Versailles par Madame Élisabeth, sœur du roi, et par d'autres dames de la cour qui s'intéressaient à elle, avait fait croire au cardinal de Rohan qu'elle avait accès auprès de Marie-Antoinette. Sachant combien le cardinal était affecté de la rigueur que lui tenait la reine, elle lui donna à entendre qu'elle était en mesure de lui ménager un retour de faveur. Bientôt les démarches commencèrent ou furent censées commencer. Le premier résultat fut la permission accordée au cardinal de se justifier. Il écrivit une lettre, reçut une réponse, et par l'intermédiaire de Madame de la Motte, une correspondance active s'établit entre la reine et lui. Les prétendues lettres de Marie-Antoinette prirent peu à peu une chaleur, un coloris, qui donnèrent à penser au cardinal qu'il avait fait mieux que de reconquérir son amitié et que la reine de France éprouvait pour lui un sentiment plus tendre. que les lettres qu'il recevait fussent ou non l'œuvre d'un faussaire, toujours est-il que la réputation de galanterie de Marie-Antoinette était si bien établie à cette époque qu'un des plus grands personnages de la cour de France, un des hauts dignitaires de l'Église et du royaume, admit comme une chose sans invraisemblance qu'une intrigue amoureuse pouvait se nouer avec elle. Il se crut aimé et sollicita un rendez-vous mystérieux. Le rendez-vous lui fut accordé. Une nuit, le cardinal de Rohan, accompagné d'un de ses familiers, le comte de Plantat, s'introduisit dans le parc de Versailles. Dans un des coins les plus sombres du parc, il se trouva en présence d'une femme enveloppée d'un mantelet blanc et la tête couverte d'une de ses coiffures qu'on appelait une Thérèse. Il reconnaît la reine à sa taille, à sa tournure. Il reconnaît aussi sa voix lorsqu'elle lui dit, en lui présentant une rose, « Vous savez ce que cela veut dire. » Monsieur de Rohan, plein d'émotion, prend la rose. Il va exprimer toute l'ardeur à la fois passionnée et respectueuse de ses sentiments, mais une autre voix murmure à son oreille. « Venez, venez, la comtesse d'Artois est là, qui approche. La reine serait perdue si on vous surprenait à cette heure dans le parc. » Il s'éloigne, vivement contrarié de ce contretemps, mais emportant l'espoir d'un autre rendez-vous. Ce fut le premier acte de cette comédie digne de Beaumarchais. Marie-Antoinette, qui avait joué si souvent la Rosine de la folle journée, venait-elle de jouer dans le parc même du grand roi la folle nuit? Le second acte devait être plus compliqué. Deux riches joailliers, Beaumère et Bossange, avaient un collier de diamants, une merveille, qu'ils estimaient 1 600 000 livres. En 1778, Marie-Antoinette, étant accouchée de son premier enfant, le roi avait voulu lui faire cadeau de ce collier. Mais les finances étaient alors si obérées, le trésor royal si appauvri, qu'elle n'avait pas osé accepter un tel présent. Elle l'avait refusé, dit-on, de nouveau à la naissance du dauphin, le 25 octobre 1781. Le 24 mars 1784, Madame de la Motte va trouver Beaumère et lui apprend que Marie-Antoinette s'est décidée à faire l'acquisition du fameux collier et qu'elle a chargé Monsieur le cardinal de Rohan de négocier avec lui cette affaire importante. Le cardinal avait reçu en effet un billet de la reine. Les conditions sont réglées entre lui et les joailliers. Le paiement du collier se fera par des acomptes successifs. Le premier sera de 700 000 livres. Madame de la Motte, intermédiaire de cette négociation, remet au cardinal une copie des conventions conclues avec Beaumère et Bossange, en marge de laquelle la reine a écrit de sa main « Approuvé Marie-Antoinette de France ». Le collier est livré, Monsieur de Rohan court chez Madame de la Motte, il y trouve un valet de chambre de la reine, porteur d'un billet de Marie-Antoinette contenant l'ordre de remettre l'écrin. Mais quand arriva l'échéance du premier acompte, Madame de la Motte fit savoir au cardinal que la reine n'était pas en mesure de payer et qu'il fallait obtenir un délai. Les joailliers prirent l'alarme, se rendirent à Versailles, l'affaire éclata et le 15 août 1785, jour de l'Assomption, au moment où le grand aumônier, comme nous l'avons dit, allait officier dans la chapelle du palais de Versailles, Louis XVI le fit appeler dans son cabinet et lui dit brusquement « Monsieur le cardinal, qu'est-ce donc un collier de diamants que vous avez procuré à la reine et dont Beaumère et Bossange viennent nous réclamer le paiement ? » Une seule maille rompue, tout le réseau de cette colossale intrigue se défit tout à coup. On apprit que le mari de Madame de la Motte, qui se trouvait en Angleterre, avait vendu un bijoutier de Londres nommé Heret pour 250 000 livres de diamants. On arrêta à Bruxelles une fille galante nommée Oliva, d'une ressemblance frappante avec la reine. Elle avoua qu'à la suggestion de Madame de la Motte, elle avait joué dans le parc de Versailles le rôle de Marie-Antoinette. Un certain Rétaux de Villette avoua également que Madame de la Motte l'avait employé à contrefaire l'écriture de la reine, et notamment d'avoir écrit en marge du contrat passé entre les joailliers et le cardinal de Rohan, approuvé Marie-Antoinette de France. On dit que Louis XVI, effrayé du scandale que cette affaire allait produire, de la déconsidération qu'elle devait faire rejaillir sur le trône, offrit au cardinal de Rohan de s'en remettre à sa justice et à sa clémence. Le cardinal refusa, il voulut l'éclat d'un procès et le Parlement fut saisi. Il y eut alors à la cour le parti de Rohan et le parti de la reine. Mais l'opinion publique s'en mêla cette fois et le parti de la reine y fut le plus faible. Malgré les aveux de la fille Oliva et de Rétaux de Villette, dont Madame de la Motte fut contrainte de reconnaître la sincérité, il parut impossible qu'une telle trame eût pu être ourdie sans que Marie-Antoinette y eût pris une part quelconque. Et le moins qu'on lui imputait était d'avoir eu son profit dans la vente des diamants escroqués à Beaumère et Bossange. Le procès ne fut terminé que le 31 mai 1786. Bien des choses y furent laissées dans l'obscurité, inexpliquées, incompréhensibles. L'arrêt déchargea d'accusation le cardinal Louis de Rohan. Madame de la Motte fut condamnée à faire amende honorable, la corde au cou, à être fouettée en place de grève, marquée à l'épaule et enfermée à l'hôpital pour le reste de ses jours. Son mari fut condamné aux galères, Réto de Villette au bannissement perpétuel, et la fille Oliva fut mise hors de cour. Après le procès du collier, et presque sans transition, la politique envahit l'existence de Marie-Antoinette. Les fêtes, les spectacles, les petits verres, les intrigues de boudoir, la galanterie disparaissent de la cour de Versailles. On entend déjà gronder au loin la tempête qui menace. Elle éclate le 14 juillet 1789. L'émigration commence. Une des premières familles qui s'éloignèrent fut la famille des Polignac. C'était un grand chagrin pour la reine et sa haine pour les nouvelles idées s'en augmenta. Quelques jours avant le départ de cette comtesse Jules qu'elle avait tant aimée, on jouait au Théâtre français la partie de chasse d'Henri IV. L'acteur Dugazon, travestissant le passage de son rôle où il était question de Marie de Médicis et de sa favorite, substitua au nom de la signora Leonora Galigai le nom de la signora Polignacchi, aux applaudissements frénétiques de toute la salle. Marie-Antoinette, pour le peuple de Paris, n'était plus que l'Autrichienne. Nous nous arrêterons ici. Quelques jours encore, et le flot révolutionnaire viendra arracher de son palais de Versailles, pour la conduire aux Tuileries, et des Tuileries au Temple, la monarchie agonisante. Ce fut Marie-Antoinette qui provoqua elle-même ce mouvement populaire par la fameuse scène des gardes du corps. La cour tournait ses regards vers la frontière. On voulait décider le roi à se confier à l'armée. Bouillé attendait. Encore un jour, et ceux qu'on appelait les rebelles pouvaient rendre le départ impossible. D'accord avec ses amis, la reine résolut de frapper par un spectacle imposant l'imagination de Louis XVI. Le régiment de Flandre venait d'arriver à Versailles. Un banquet aura lieu au palais, dans la belle salle de l'opéra, offert par les gardes du corps à leurs camarades du régiment de Flandre. Pendant le festin, le roi sera conduit au milieu des officiers. L'éclat des bougies, l'aspect des brillants uniformes et des mâles figures de ces braves, la double ivresse du vin et de l'enthousiasme, on compte sur tout cela pour entraîner Louis XVI à une démarche qu'il n'ose entreprendre de sang-froid. Tout se passe comme on l'a espéré. Le festin commence, grave et silencieux d'abord, bruyant ensuite. Lorsque les têtes sont suffisamment échauffées, leur majesté paraît sur la galerie, conduite par M. de Tessé, écuyer de la reine, et par le comte d'Agoult, major des gardes. Des toasts sont alors portés à la famille royale qui descend dans la salle pour se mêler au groupe. L'enthousiasme est à son comble. Marie-Antoinette, qui tient le dauphin dans ses bras, le présente aux officiers. L'orchestre exécute l'air de Richard, cœur de lion. Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. C'est un entraînement, un délire. On s'embrasse, les épées sortent du fourreau. On jure de mourir pour la monarchie. Les tribunes, remplies de spectateurs, applaudissent et mêlent leurs acclamations à celles des convives. Les soldats qui campent dans la cour du palais et auxquels des flots de vin ont été versés demandent le roi à grands cris. Louis XVI paraît sur le balcon, la reine leur distribue des cocardes blanches, les gardes du corps et des officiers du régiment de Flandre arrachent et foulent aux pieds la cocarde aux couleurs nationales. Et l'on se sépare enfin, croyant avoir sauvé le trône. Marie-Antoinette, après en avoir compromis la majesté, venait d'en hâter la chute. La reine politique devait lui être encore plus funeste que la reine galante. Quelques anecdotes pour finir. Les aventures d'amour du beau Lauzun, la fable de tout ce qui hantait l'œil de bœuf, ne tardèrent pas à parvenir à Marie-Antoinette. Celle-ci, de ce moment, fut tout yeux et tout oreille pour le brillant coureur de ruelle. Elle fit preuve pour lui des soins les plus attentionnés, des prévenances les plus cordiales. Elle cause et joue avec lui des heures entières, favorise son goût pour les courses de chevaux et contribue à les mettre à la mode en y assistant et en y prenant une part active dans des paris exagérés. Chaque fois que Lauzun est vainqueur, ce qui arrive souvent, la reine manifeste publiquement sa joie. Marie-Antoinette sortait rarement sans Lauzun et ne lui permettait pas de quitter la cour. Elle lui faisait place au jeu et lui parlait sans cesse. Elle venait tous les soirs chez madame de Guéménée, où l'on jouait des sommes folles, et marquait de l'humeur lorsqu'il y avait assez de monde pour gêner ses entretiens particuliers avec Lauzun. Cela dura 2 ans. Il était impossible qu'une telle conduite ne fût pas remarquée. On connaît l'histoire de la plume blanche de Lauzun qui fit un si grand scandale. Elle a été rapportée de plusieurs façons. Voici comment Lauzun lui-même la raconte dans ses mémoires. La reine parla bas à madame de Guéménée, qui s'approcha de moi et me dit en riant à mi-voix « Êtes-vous très attachée à la plume de héron blanche qui était à votre casque lorsque vous avez pris congé ? La reine meurt d'envie de la voir. La lui refuserez-vous » Je répondis que je n'oserais la lui offrir, mais que je me trouverais très heureux qu'elle voulût bien la recevoir de madame de Guéménée. J'envoyai un courrier la chercher à Paris, et madame de Guéménée la lui porta le lendemain au soir. Elle la porta dès le jour suivant, et lorsque je parus à son dîner, elle me demanda comment je la trouvais coiffée. Je répondis « Fort bien ». « Jamais, reprit-elle, avec infiniment de grâce, je ne me suis trouvée si parée. Il me semble que je possède des trésors inestimables. » Il eût assurément mieux valu qu'elle n'en eût pas parlé, car le duc de Coigny remarqua et la plume et la phrase, et il demanda d'où venait cette plume. Elle dit, avec assez d'embarras, que je l'avais rapportée à madame de Guéménée de mes voyages et qu'elle la lui avait donnée. Le duc de Coigny en parla le soir à madame de Guéménée avec beaucoup d'humeur, lui dit que rien n'était plus ridicule et plus indécent que ma manière d'être avec la reine, qu'il était inouï de faire aussi publiquement l'amoureux et incroyable qu'elle eût l'air de le trouver bon. Il fut assez mal reçu et songea au moyen de m'éloigner. Cette anecdote racontée par Lauzun avec une très grande bonne foi, a été travestie par madame Campan et les défenseurs de la reine. Mais le fait est que l'aventure fit du bruit. Lauzun sentait sa situation menacée, les ministres du roi ne cherchaient qu'un prétexte pour le faire mettre à la Bastille et le traiter en criminel d'État. Il résolut d'accepter les brillantes propositions que lui faisait l'impératrice de Russie pour entrer à son service. Il voulut s'expliquer avec la reine et lui faire accepter son départ. Voici comment il rend compte de cette aventure. Je montais chez la reine, que je rencontrais allant au salut. Je la suppliai de m'accorder une demi-heure d'audience après le salut. Elle me dit de l'attendre, me fit entrer dans son cabinet dès qu'elle fut revenue, et me dit « Qu'y a-t-il de nouveau ?» J'ai cru devoir informer Votre Majesté que l'on osait mal interpréter mon attachement sans borne à sa personne, et que l'on poussait l'audace jusqu'à blâmer les bontés dont elle m'honore. J'ose la supplier d'en diminuer les marques trop frappantes et de me permettre de me présenter moins souvent devant elle. « Y pensez-vous » reprit-elle avec colère. « Devons-nous céder à d'insolents propos que je n'aurais jamais dû craindre ? Et serais-je excusable de leur sacrifier l'homme sur qui je compte le plus et de qui l'attachement m'est le plus nécessaire ?»« Oui, Votre Majesté le doit, et j'ai dû m'y attendre. Quelque affreux qu'il soit pour moi de renoncer à la douceur de lui consacrer mes services et ma vie, je dois m'y résoudre, profiter, puisque les circonstances l'exigent, de l'asile que m'offre une grande princesse, et fuir les persécutions que l'on me prépare de toutes parts dans ma patrie. Vous croyez donc que je ne vous défendrai pas ? J'ose supplier Votre Majesté, j'ose même exiger, comme seul prix de mon dévouement absolu, qu'elle ne se compromette pas en me soutenant. Je suffis pour me défendre. Comment ? Vous voulez que j'aie la lâcheté ? Non, monsieur de Lauzun, notre cause est inséparable. On ne vous perdra pas sans me perdre. Oh, madame, l'intérêt particulier d'un sujet peut-il être comparé aux grands intérêts de la reine ? D'un sujet tel que vous, Lauzun, ne m'abandonnez pas, je vous en conjure. Que deviendrai-je si vous m'abandonnez ? Ses yeux étaient remplis de larmes. Touché moi-même jusqu'au fond du cœur, je me jetai à ses pieds. Que ma vie ne peut-elle payer tant de bonté, une si généreuse sensibilité ? Elle me tendit la main. Je la baisai plusieurs fois avec ardeur, sans changer de posture. Elle se pencha vers moi avec beaucoup de tendresse. Elle était dans mes bras lorsque je me relevai. Je la serrai contre mon cœur qui était fortement ému. Elle rougit, mais je ne vis pas de colère dans ses yeux. « Eh bien, reprit-elle en s'éloignant un peu, « n'obtiendrai-je rien ?»« Le croyez-vous » repartis-je avec beaucoup de chaleur. « Suis-je à moi ? N'êtes-vous pas tout pour moi ? C'est vous seule que je veux servir. Vous êtes ma souveraine. » « Oui, » continuai-je plus tristement, « vous êtes ma reine. Vous êtes la reine de France. » Ses regards semblaient me demander encore un autre titre. Je fus tenté de jouir du bonheur qui paraissait s'offrir. Deux raisons me retinrent. Je n'ai jamais voulu devoir une femme à un instant dont elle pût se repentir, et je n'eusse pu supporter l'idée que Madame Zaxtoriska se crût sacrifiée à l'ambition. Je me remis donc assez promptement. « Je ne prendrai point de parti, dis-je sérieusement, sans les ordres de votre majesté. Elle disposera de mon sort. » Je fis une profonde révérence et me retirai. Quelques jours après, nouvelle entrevue, dans laquelle la reine supplia Lauzun d'abandonner son projet de départ. « Et si j'avais un fils, continua-t-elle en rougissant, pourrais-je être heureuse de le voir élevé par un autre que vous ?» Ceci se passait en 1775. Elle finit par obtenir de Lauzun la promesse qu'il ne partirait pas avant un an, quelque danger que put lui faire courir cette décision. Tous ceux qui étaient initiés au mystère de Versailles étaient au courant de cette intrigue. On raconte même à ce sujet un bien joli mot. Un grand seigneur qui avait vécu avec des princesses disait à Champfort « Croyez-vous que M. de Lauzun est Madame de Stainville ?»« Il n'en a pas même la prétention, » répondit le bel esprit. « Il se donne pour ce qu'il est, pour un libertin, un homme qui aime les filles par-dessus tout. »« Jeune homme, » reprit le haut personnage, « n'en soyez pas la dupe. » C'est avec cela qu'on a des reines. Fin de l'alcôve des reines. Ici s'achève l'alcôve des reines par Jules Beaujoin.